إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc, on commence aujourd'hui le cours numéro 5, juste pour rapidement faire un petit survol sur les points qu'on a mentionnés dans les cours précédents, on a parlé la dernière fois de l'importance d'appliquer la science qu'on possède, d'appliquer la connaissance, et on a expliqué une autre définition de l'ilm selon la charia, on a mentionné que c'est العلم كما الإمام ابن القيم المنسيان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان ou selon les différentes narrations ou versions qui ont été mentionnées à ce sujet là on a expliqué que c'est essentiel d'avoir l'application de la science, c'est pas juste d'avoir la science tout seul. Il faut avoir l'application de la science, parce que si quelqu'un a la science mais qu'il ne l'applique pas, c'est inutile, parce que la science n'est pas quelque chose qui est un but en soi, le but c'est l'application de cette science. Et on a expliqué également qu'il y en a qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala sans science et qu'ils se font du tort à eux-mêmes, donc, et qu'ils sont déségarés, et on a mentionné des exemples de ça. Puis ensuite, on a expliqué l'importance de la da'wa, d'inviter les gens à la foi et à l'application de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a mentionné plusieurs points à ce sujet-là, plusieurs preuves, et on a mentionné des exemples également de as-sabru 'ala al-adha fihi, de faire preuve d'endurance dans le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a mentionné par la suite les preuves de ces quatre points dans Surat Al-Asr. Donc, la seule question que je veux vous poser aujourd'hui par rapport au cours passé, je sais que ça fait un petit bout de temps, puisque la fin de semaine passée j'étais absent puisque j'étais en France, j'aimerais juste vous poser une seule question. Dans Surat Al-Asr, comment on peut rattacher chacun de ces quatre points aux différents versets qui sont dans Surat Al-Asr? Donc, si je vous dis par exemple wal asr inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu yarhamukallah illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Maintenant, ce verset là ça signifie par le temps certes l'homme est en perte, excepté ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres et qui se sont encouragés mutuellement dans la vérité et qui se sont encouragés mutuellement dans la patience. Comment on peut rattacher les quatre points qu'on a étudiés jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la science, l'application, la da'wa et la patience, comment on peut le rattacher à cette sourate? Le point numéro 1, c'est quoi? Al-ilm. Où est-ce qu'on a dans ce verset la preuve du ilm? Dans cette surah, où est-ce qu'il est la preuve pour le ilm? Oui, c'est ça. En fait, c'est indirectement. Dans le sens que Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Illa alladhina amanu » excepté ceux qui ont cru. Donc, la foi, avoir, pour ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la foi, l'iman, الذين آمنوا, c'est ceux qui ont eu l'iman, qui ont eu la foi. Et quand tu dis que tu as la foi, ça veut dire que tu sais en quoi tu as la foi. Tu as la foi en quelque chose, mais cette foi-là, elle doit être basée sur une connaissance, sur une science. Donc la preuve de la science, elle est tirée dans ce verset-là, dans cette partie-là. Et l'alladina amanu, ça veut dire en fait al-ilm, ceux qui ont eu la connaissance de cette foi et de qu'est-ce qu'elle signifie. D'accord? Donc ça c'est le premier point. Maintenant le deuxième point, wal-amalu bihi, l'application de cette science. Où est-ce qu'elle est la preuve dans cette sourate pour dire que il faut appliquer cette science? إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. D'accord. Donc ça c'est la preuve pour le deuxième point. C'est quoi? وعملوا الصالحات. Ils ont fait les bonnes œuvres. Parce que la foi en réalité c'est une connaissance, c'est une croyance et c'est une action aussi. Donc ceux qui ont cru et qui ont fait les œuvres. Donc ça c'est la preuve du deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est quoi? Ad-da'watu ilayhi. Ad-da'watu ilayhi, c'est-à-dire d'inviter les hommes et d'appeler les hommes à avoir cette science et à l'appliquer. Donc, la preuve de ce point-là, dans Surat al-Asr, il est où? Aynam. Wa tawassaw bil-haq. Parce que de s'encourager et de s'ordonner les uns les autres la vérité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'ordonne le bien, ça veut dire qu'on s'interdit le mal, ça veut dire qu'on fait la da'wa, qu'on appelle à Allah, et ça veut dire qu'on lutte dans le sentier d'Allah. Tout ça, ça fait partie de la da'wa. Et tout ça, ça fait partie d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Et donc ça, c'est la preuve du troisième point. Maintenant, la preuve de as-sabru ala al-adhafi, c'est-à-dire de faire preuve d'endurance face aux difficultés qu'on va éprouver du fait qu'on a invité les hommes à l'islam et que les hommes, des fois, ils rejettent la parole d'Allah ou ils rejettent la vérité ou ils refusent de l'accepter. La preuve de ce quatrième point-là, c'est quoi? Barakallahu fik. Donc c'est ça. Le quatrième point, c'est la preuve du quatrième point, c'est quoi? Watawasaw bis-sabr. Et ils s'encouragent les uns les autres, ils s'ordonnent les uns les autres de faire preuve de patience et d'endurance. Ça, c'est le quatrième point. Tout ça, on a expliqué au dernier cours. Et on a mentionné les preuves de chacun de ces points-là. Donc si, hein? Non, parce que dans la foi, il y a l'ilm aussi. D'accord? Il y a juste un petit point avant qu'on commence dans qu'est-ce qu'on a à étudier aujourd'hui. C'est qu'au dernier cours, quand le cheikh il mentionnait le fait que les gens de Quraysh ont fait du tort au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils avaient mis sur lui des restants de placenta de chamel. Lorsque il faisait la prière devant la Kaaba, hein, j'avais mal traduit le mot, hein, Salah Jazur, et j'ai fait la correction dans le cours passé, dans le cours numéro 4, j'ai fait la correction. Donc c'est juste pour vous mentionner que c'était pas des morceaux de viande, c'était plutôt un placenta. Les placentas, lorsque la chamelle et la couche, le placenta qui reste, c'est quelque chose qui est, bien entendu, c'est comme un placenta, c'est pas quelque chose de propre, c'est pas quelque chose de bon. Donc ils sont venus pour jeter ça sur le prophète sur la scène pendant qu'il priait, hein, dans la Kaaba, pendant qu'il était prosterné. Donc tout ça c'est pour l'humilier et essayer de le rabaisser. Et bien entendu, c'est sa fille Fatima radiallahu anha qui est venue pour lui enlever, hein. Donc ça, c'était juste pour corriger à ce sujet-là. Maintenant, on rentre maintenant dans la suite de l'explication de Surat al-Asr par le Cheikh al-Fawzan dans le Dars, dans le livre. Il dit, il dit fajami'u bani adam, il dit هذا الوقت الذي هو رخيص عند كثير من الناس يطول عليهم الوقت ويملون ويملون ويقولون نريد قتل الوقت يأتون بالملهيات أو يسافرون للخارج لقضاء العطلة والوقت أو يضحكون ويمزحون لقطع الوقت فهؤلاء الذين قطعوه وضيعوه سيكون خسارة وندامة عليهم يوم القيامة وهو مصدر سعادتهم لو حفظوا عليه. Donc le cheikh en dernier, qu'est-ce qu'on a expliqué, c'est que il y a des gens qui gaspillent beaucoup leur temps et ils disent on veut tuer le temps, hein, et ils s'ennuient et ils disent on veut tuer le temps et ils se distraient par toutes sortes de distractions et parfois ils sortent à l'extérieur, c'est-à-dire ils vont dans d'autres pays où ils vont prendre des vacances et ils rigolent, ils se moquent tout le temps, ils font des blagues pour y passer le temps, ainsi de suite. Donc le cheikh dit que ça va retourner contre eux comme étant des remords au jour de la résurrection, et que s'ils avaient préservé leur temps, ça aurait été la source de leur bonheur en réalité. Ensuite le cheikh dit فَجَمِيعُ بَنِي آدَمْ فِي خَسَارَةٍ وَهَلَاكٍ إِلَّا مَنْ اتَّصَفَ بِأَرْبَعِ صِفَاتٍ بأربع صفات وهي العلم والعمل والدعوة إلى الله والصبر على الأذى فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة ولا يمكن الإيمان بالله إلا بالعلم الذي هو معرفة الله وعمل الصالحات أي عمل الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات فاستغلوا وقتهم بعمل الصالحات بما يفيدهم في دينهم ودنياهم حتى العمل للدنيا فيه خير وفيه أجر إذا قصد به الاستعانة على الطاعة فكيف بالعمل للآخرة المهم أنك لا تضيع الوقت فلتستعمله في شيء يفيدك وينفعك. Donc le cheikh il explique que tous les fils d'Adam sont en perdition, excepté celui qui possède quatre caractéristiques. La première c'est al-ilm, la deuxième c'est al-amal, la première c'est la science, la deuxième c'est l'application, la troisième c'est de faire la da'wa et d'inviter les hommes à Allah, et la quatrième, comme on a dit tout à l'heure, c'est de faire preuve d'endurance et de patience dans les difficultés qui vont nous atteindre par rapport à ça. Le cheikh il dit, celui qui donc a ces caractéristiques-là en lui-même, il est épargné et il est sauvé de cette perdition-là. Le cheikh dit en premier, comme on a expliqué tout à l'heure, il n'est pas possible à quelqu'un d'avoir la foi en Allah excepté s'il a la science, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, comme on l'a expliqué. Donc, la foi, c'est relié avec le premier point, avec la science. Ça, c'est la preuve pour le premier point. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ça, c'est la preuve pour le deuxième point, qui applique et qui font les bonnes œuvres. Ils font les bonnes œuvres, que ce soit des obligations ou des choses recommandées. Et ils profitent de leur temps. Ils profitent de leur temps pour faire des bonnes œuvres. Pour faire qu'est-ce qui est bénéfique pour eux dans leur dunya et dans leur dîn, dans leur religion et dans leur dunya. Hatta al-amalu lid-dunya, c'est même l'acte que tu fais pour la dunya, il y a du bien dedans, il y a une récompense dedans si tu le fais avec l'intention de t'aider à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, dans ce cas, si ça c'est le cas pour les actions que tu fais pour la dunya, que si tu les fais avec une bonne intention, pour que ça t'aide dans ton akhira, dans ta religion et dans ton obéissance, que tu vas être récompensé, alors que dire des actions que tu fais pour l'au-delà, hein? C'est encore plus grand comme récompense. Par exemple, tu fais quelque chose pour la dunya, comme par exemple tu vas travailler le matin, tu vas à ton travail, tu fais ton travail et tu rentres chez toi. Ce travail que tu le fais, c'est quelque chose que tu fais pour la dunya, pour gagner de l'argent. Mais si ton intention en faisant ce travail qui est halal, c'est de gagner de l'argent pour t'occuper de toi-même et de ta famille et de remplir tes besoins et les besoins de ta famille et de remplir tes responsabilités, dans ce cas-là, c'est quelque chose qui devient un acte de bien et qui t'aide dans ton obéissance à Allah. Parce que par la suite, tu vas pouvoir dépenser de tes biens pour t'occuper de ta famille, pour donner fi sabilillah de cet argent ou autre chose. Donc, c'est quelque chose qui va t'amener vers le bien. Et donc, tu seras récompensé pour ça. Si tu manges dans le but de donner à ton corps de la force pour continuer à faire la prière, dans ce cas-là, tu seras récompensé pour ça. Hein? Parce que tu utilises cette énergie-là dans le but d'arriver à établir l'adoration d'Allah. Si tu également, par exemple, tu dors, puis que ton intention, lorsque tu vas dormir, c'est de prendre des forces pour être capable de te lever et pour être capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce cas-là, ton sommeil devient une adoration. Il devient un acte de bien. Donc ça, c'est des exemples que même des actions pour la dunya, si tu les fais avec une bonne intention, ça peut devenir, hein, tu peux être récompensé pour. Alors que dire des actes que tu fais pour l'au-delà, comme la prière, le jeûne et les autres actions, parmi les actes qui sont des adorations. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est que tu ne perds pas ton temps. Tu dois l'utiliser dans ce qui est bénéfique pour toi et dans ce qui va te profiter. Ensuite, le cheikh, il dit, la troisième partie, « وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَدَعَوْا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَعَلَّمُوا النَّاسِ وَعَلَّمُوا الْعِلْمَ النَّافِعِ وَنَشَرُوا الْعِلْمِ وَالْخَيْرِ فِي النَّاسِ أَصْبَحُوا دُعَاتًا إِلَى اللَّهِ. Donc ça, c'est la troisième partie, c'est le troisième point. Ils s'encouragent ou ils s'enjoignent les uns les autres dans la vérité. C'est-à-dire, ils ordonnent le bien, ils interdisent le mal. Ils invitent à Allah, ils enseignent la science bénéfique et ils propagent cette science et ce bien parmi les hommes. Donc ils sont devenus des gens qui invitent à Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la preuve pour le troisième point. Et le quatrième point, وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ صَبَرُوا عَلَى مَا يَنَالُهُمْ وَالصَّبْرُ فِي اللُّغَةِ الْحَبْسِ وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا حَبْسُ النَّفْسِ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَهُوَ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ الأول صبر على طاعة الله، الثاني صبر على محارم الله، والثالث sabrun ala aqdarillah. Donc le cheikh explique que comme quatrième point, c'est le quatrième point que le cheikh a mentionné, c'est la preuve de ça, c'est watawasaw bis sabr, et il s'encourage dans la patience, ils s'enjoignent les uns les autres la patience. Et dans la langue arabe, la patience ou bien sabr signifie d'avoir de la retenue. Al-habs, la retenue, c'est-à-dire que tu retiens ton âme pour la garder sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-habs, al-sabru, ça veut dire en arabe, al-habs, ça veut dire de retenir ton âme, de la garder sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et elle est de trois catégories. Il y a trois sortes de sabr. Ça, c'est important de le noter. Al-awwal, la première catégorie de patience ou d'endurance, c'est d'endurer l'obéissance d'Allah, de rester patient sur l'obéissance d'Allah. Al-thani, as-sabru an maharimillah. Donc si je vais trop vite, vous me le dites comme ça, je vous laisse le temps d'écrire. Ça a perdu quoi? Le stylo? On fait kabarak. Donc, al-awwal, le premier, as-sabru ala ta'atillah. Tu fais preuve d'endurance et de patience sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le deuxième, as-sabru an maharimillah. si tu fais preuve de patience et d'endurance dans le fait de cesser de désobéir à Allah, dans la désobéissance, dans Allah, tu t'en écartes et tu restes patient et endurant là-dessus. Et le troisième, le deuxième, le deuxième, c'est la patience dans le fait de rester loin des péchés et des choses que Allah a interdites. Celui qui n'est pas capable, il a une faiblesse dans sa patience, dans son endurance. Alors ça veut dire que sa foi, elle est faible. Il doit travailler sur ça, pour essayer de faire en sorte qu'il cesse. Hein? Et il y a plusieurs moyens pour ça. Il y a plusieurs moyens pour essayer de renforcer la foi, pour essayer de nous aider à abandonner les péchés. Et un des meilleurs moyens, parmi les meilleurs moyens pour ça, la première chose, c'est de demander l'aide d'Allah. De demander à Allah de nous aider d'abandonner les péchés. Ça, c'est un des meilleurs moyens pour cesser de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, de nous aider d'arrêter de le faire et de nous donner la repentance sincère. Si quelqu'un retombe encore une fois après s'être repenti, il doit encore une fois se repentir. Il doit encore une fois se repentir. Chaque fois qu'il tombe dans le péché, il doit se repentir. Mais est-ce qu'il est musulman? Donc, si c'est pas un musulman, le fait qu'il ait des péchés ou des perversités ou des trucs de ce genre, ça c'est pas le plus grave d'entre les péchés qu'il commet. Le plus grave d'entre les péchés qu'il commet, étant donné qu'il est kafir, c'est le kufr. D'accord? Ah, d'accord. Dans ce cas-là, tu demandes pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, puis tu reviens pas à ce péché-là, tu cesses. Hein, puis tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner pour ça. Hein, puis tu te repens à Allah de ça, et Allah va accepter ta repentance. Hein? Tu connais les conditions de la repentance? Non. La première condition, c'est premièrement d'avoir le remords. Deuxièmement, c'est de ne pas retourner, c'est-à-dire d'avoir la ferme résolution de ne pas retourner au péché, de cesser tout de suite. Premièrement, on peut dire le premier, c'est al-iqla'u 'an adh-dhanb. Al-iqla', c'est-à-dire tu cesses de le faire tout de suite. Si tu es en train de le faire, t'arrêtes. Deuxièmement, les remords. Troisièmement, d'avoir la ferme résolution de ne plus le refaire. Ça, c'est les conditions. Les trois conditions par rapport au péché, lorsque ça concerne toi et lorsque c'est entre toi et Allah, ça, c'est les trois conditions de la repentance. Puis, il y a d'autres conditions selon le péché parfois qui peuvent se rajouter. Et la troisième catégorie de patience, c'est as-sabru ala aqdarillah. De faire preuve d'endurance et de patience face aux épreuves et aux choses que Allah a prédestinées pour nous dans les difficultés et les malheurs de la dunya. Donc ça, c'est les trois catégories de patience et d'endurance. Ensuite, le cheikh, donc, il les explique. Le troisième, c'est « As-sabru ala aqdarillah » de faire preuve d'endurance face aux épreuves de la vie et aux choses que Allah nous a prédestinées comme malheur ou comme difficulté dans la dunya. Et le cheikh, il explique ces trois points-là en détail, en donnant des explications plus claires, plus détaillées. Il dit فالأول صبر على طاعة الله لأن النفس تريد الكسل وتريد الراحة فلا بد أن يصبرها الإنسان على الطاعة وعلى الصلاة وعلى الصيام وعلى الجهاد في سبيل الله وإن كانت تكره هذه الأمور يصبرها ويحبسها على طاعة الله. Donc le cheikh dit la première chose, c'est de faire preuve d'endurance et d'être patient sur l'obéissance d'Allah. Parce que l'âme, elle aime la paresse. L'âme, elle aime le repos. Donc, l'homme doit absolument forcer son âme à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à faire la salat et à faire le jeûne et à faire le jihad fi sabilillah, malgré que son âme elle déteste ou bien elle ça lui déplaît ces choses là des fois ça lui déplaît, elle préfère l'aisance et la facilité et la paresse. Donc il doit la forcer à faire preuve d'endurance et de patience et la retenir sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la première catégorie de patience. الثاني صبر عن محارم الله. صبر عن محارم الله. النفس تريد المحرمات والشهوات إنها تميل إليها وتنزع إليها فلا بد أن يربطها ويحبسها عن المحرمات، وهذا يحتاج إلى صبر، وليس من السهل منع النفس عن الشهوات المحرمة. من ليس عنده صبر فإن نفسه تتغلب عليه وتجنح إلى المحرمات. Le cheikh il dit comme numéro 2, la catégorie 2 de patience et d'endurance, c'est de faire preuve d'endurance face aux interdictions d'Allah lorsque ton âme te pousse à faire des péchés. Parce que ton âme elle veut les choses haram, ton âme elle veut les passions et les désirs, elle penche vers les désirs. Elle penche vers ces choses-là, elle t'attire vers ces choses-là. Donc il faut absolument que tu la retiennes, que tu retiennes ton âme de ces choses haram. Hein? Et ça nécessite de ta part de la patience et de l'endurance et de la force. Et ce n'est pas quelque chose qui est facile de retenir l'âme vis-à-vis des passions et des désirs interdits. Et donc, le cheikh il dit que celui qui n'a pas d'endurance et de patience, alors son âme, elle prend le dessus sur lui. Ses désirs prennent le dessus sur lui. Et donc, il penche par la suite vers les choses interdites. Donc, il faut pas se laisser aller dans les péchés. Il faut prendre le dessus sur les péchés. Allah al-musta'an. Et en réalité, aujourd'hui, à notre époque, les gens qui vivent dans le péché, ils se pensent plus intelligents que les gens qui se retiennent du péché. Et ils pensent qu'ils sont plus heureux que les gens qui se retiennent du péché. En réalité, c'est le contraire. Ceux qui vivent dans le péché, ils deviennent esclaves de leur péché et ils deviennent dépendants par la suite de leur péché. Donc ils sont malheureux parce qu'ils ne peuvent pas être heureux ou bien sans ces péchés-là. Tandis que l'âme du croyant qui s'écarte des péchés et qui retient son âme, il devient maître de son âme. Et il retient son âme de ce qui est mauvais pour lui. Et donc c'est lui qui par la suite est heureux parce qu'il n'est plus dépendant de ses désirs et de ses passions et de ces tentations-là. Donc, ça c'est très important. الثالث الصبر على أقدار الله المؤلمة المصائب التي تصيب الإنسان من موت أو من موت قريب أو ضياع مال أو مرض يصيب الإنسان لا بد أن يصبر على قضاء الله وقدره لا يجزع ويتسخط بل يحبس اللسان عن النياحة والتسخط ويحبس النفس عن الجزع ويحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب هذا هو الصبر على المصائب أما المعائب فلا يصبر عليها بل يتوب إلى الله وينفر منها. ولكن عند المصائب التي لا دخل لك فيها بل هي من الله عز وجل قدرها عليك ابتلاء وامتحانا أو عقوبة لك على ذنوب فعلتها، كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، فإذا حصلت للمسلم مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب. قال تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. يا شيخ ici il dit troisième point, de faire preuve de patience et d'endurance vis-à-vis de la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont douloureuses parfois, les choses que Allah a prédestinées pour nous qui sont parfois douloureuses, hein, qui sont difficiles à supporter, hein, parce que on est tous affectés et on a tous à faire face à des difficultés, à des épreuves et à des malheurs dans notre vie. Soit par exemple la mort d'un proche, hein, la mort d'un proche, ça c'est un malheur, ça c'est quelque chose qui est difficile à supporter parfois. Tes parents, un de tes parents, tes enfants, un de tes enfants, ou bien tes proches, un de tes proches, hein, ton épouse ou ton époux, hein, si c'est une femme. Donc, ça c'est des choses difficiles, ça fait partie des épreuves. Hein? Ou bien de perdre de l'argent, de perdre des biens, soit par accident, ou soit par perte, ou soit par oubli, ou autre chose, un feu qui brûle ta maison, hein? Quelqu'un qui a travaillé toute sa vie pour avoir une maison, et il l'a remplie de beaux meubles et de toutes sortes de choses qui sont, hein, plaisantes pour lui, et il est bien confortable, à l'aise chez lui, et un feu détruit tout. Qu'est-ce qu'il possède? Ou bien un tremblement de terre, ou bien un ouragan, ou bien un autre malheur parmi les malheurs. Ça fait partie de ce qu'Allah a préservé. Il faut faire preuve d'endurance et de patience face à ces choses-là. Échec professionnel, comme tu dis, quelqu'un qui perd son travail ou des choses de ce genre. Il faut faire preuve de patience et d'endurance. Il faut préserver notre langue. Parce que ça, c'est Allah qui l'a prédestiné. Ou bien une maladie qui t'atteint, un accident. Hein? Tu perds tes yeux, tu perds ta capacité. Tu ne peux plus marcher, tu ne peux plus bouger. Tout ça, ça fait partie des épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, tu dois préserver ta langue et tes mains et ton âme. Tu dois la retenir. Et tu dois faire preuve d'endurance et de patience. Tu ne dois pas te mettre en colère contre la prédestination du décret d'Allah, et tu ne dois pas non plus désespérer ou tomber dans le désespoir. Tu dois retenir ton corps, retenir ton âme, retenir ta langue, retenir ton corps du fait que tu ne vas pas te frapper toi-même ou déchirer tes vêtements, hein, ou t'arracher les cheveux ou te griffer les joues comme le font certains. Et tu ne vas pas non plus insulter ou commencer à crier ou pleurer ou commencer à réagir d'une manière irréfléchie. Et également, tu dois faire preuve de patience devant les épreuves qui t'atteignent dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala te donne comme épreuve, qui viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala, par rapport au fait que, par exemple, comme le cheikh il le mentionne, par rapport au fait que tu vas faire la da'wah à Allah subhanahu wa ta'ala, et les difficultés qui vont t'atteindre par rapport à ça. Le cheikh il donne des exemples, il dit par contre, s'il y a quelque chose que tu fais qui fait partie des choses mauvaises, et que tu fais par exemple des péchés, ou des choses qui sont mauvaises ou pas correctes, ça, tu ne dois pas faire preuve d'endurance dans le péché. Tu dois te repentir de ce que tu fais. Et tu dois t'enfuir de ce péché-là. Mais, par rapport aux difficultés et aux épreuves qui n'ont rien à voir avec toi, qui n'ont rien à voir avec qu'est-ce que tu as fait toi-même, c'est-à-dire que c'est en dehors de ton contrôle, dans ces choses-là, tu dois faire preuve de patience parce que c'est une épreuve qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui l'a prédestiné pour toi. Si tu as un accident, est-ce que c'est toi qui as fait exprès? Non. Hein? Si tu as perdu le contrôle de ta voiture, hein? Ou bien tu marches dans la rue, quelque chose tombe sur ta tête, tu vas à l'hôpital, est-ce que c'est de ta faute? Non. Hein? Tu es chez toi, tu dors, il y a un feu qui part dans ta maison, tout brûle. C'est pas ta faute. Hein? Tu marches dans la rue, un chien qui t'attaque, qui te mord, qui mord tes enfants. Est-ce que c'est ta faute? Non. Ça, c'est des choses qu'Allah a prédestinées. Hein? Ouais. Donc, na'am. Donc, ça, c'est des exemples, ok? De difficultés. Mais si c'est quelque chose que tu as fait toi-même, hein? Tu as fait une chose qui n'est pas correcte toi-même. Et que ça t'amène du mal, là tu dois te blâmer toi-même pour ce mal-là. C'est pas la même chose. Et le cheikh, il mentionne que donc, si c'est quelque chose que Allah t'a prédestiné, c'est une épreuve et c'est un test pour toi. Et parfois c'est une punition pour tes péchés que t'as fait. Le cheikh, il mentionne des exemples. Dans Surah Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 30, il n'y a rien qui vous atteint parmi les malheurs ou les épreuves, hein, ou les malheurs ou les difficultés qui vous atteignent, excepté à cause de ce que votre main a acquis. Et il pardonne beaucoup. Ata'a, ta'atullah. Sabrun ala ta'atillah. Donc, le cheikh explique ensuite, il dit, فَإِذَا حَصَلَتْ لِلْمُسْلِمْ مُصِيبَةٌ فِي مَالِهِ أو في نفسه أو ماله أو ولده أو قريبه أو أحد من إخوانه من المسلمين فعليه بالصبر والاحتساب. S'il y a un malheur qui t'arrive, s'il y a un malheur qui arrive au musulman en lui-même, ou bien en ses biens, ou en ses enfants, ou en ses proches, ou un de ses frères parmi les musulmans, il doit faire preuve de patience et d'endurance. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans le verset dans Surat al-Baqara, le verset 156-157. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. هذا هو الصبر. Donc ceux, lorsque malheur les atteint, ils disent, nous venons d'Allah et c'est à lui que nous retournons. Ceux-là, hein, il y a des prières sur eux de la part d'Allah, ainsi qu'une miséricorde. Allah subhanahu wa ta'ala leur fait des bénédictions et il leur donne sa miséricorde. Et également, ce sont eux les bien guidés. Donc c'est ça, de faire preuve d'endurance et de patience. C'est ça ce que ça signifie. Après, le cheikh dit وَمِنْ ذَلِكَ أَصَّبْرُ عَلَى الْأَذَى فِي الدَّعْوَةِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ هَذَا مِنَ الْمَصَائِبِ فعليك أن تصبر على ما تلقى من الأذى في سبيل الخير ولا تنثني عن الخير أو عن فعل الخير لأن بعض الناس يريد فعل الخير ولكن إذا واجهه شيء يكرهه قال ليس من الواجب علي أن أدخل نفسي في هذه الأمور ثم يترك التعليم وإن كان معلما ويترك الدعوة إلى الله ويترك الخطابة إن كان خطيب مسجد ويترك إمامة المسجد ويترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا لم يصبر على ما ناله من الأذى وإذا كنت مخطئا فعليك بالرجوع إلى الحق والصواب أما إن كنت على حق ولم تخطئ فعليك بالصبر والاحتساب واستشعر أن هذا في سبيل الله عز وجل وأنك مأجور عليه وتذكر ما حصل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الأذى وكيف صبروا وجاهدوا في سبيل الله حتى نصرهم الله حتى نصرهم الله عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc le cheikh il dit, et parmi les exemples de patience ou d'endurance qu'on doit avoir, il y a le fait que on doit endurer les difficultés qui nous atteignent à cause de la da'wa lorsqu'on appelle les gens à Allah. Parce que ça, ça fait partie des malheurs et des difficultés qui nous atteignent. Il faut faire preuve de patience lorsque on fait la da'wa et qu'on a des difficultés qui nous atteignent à cause de ça. Et donc, il ne faut pas cesser de faire le bien parce qu'on a des malheurs ou des difficultés dans cette voie. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire le bien. Mais lorsqu'il lui arrive quelque chose qu'il n'aime pas par la suite à cause du bien, hein, il dit, c'est pas obligatoire pour moi de rentrer dans ce genre de choses-là, que je me rentre dans ce genre de situation-là. Et il abandonne ces bonnes choses qu'il fait. Comme par exemple, quand il enseigne l'islam et qu'il lui arrive des problèmes à cause de ça, il abandonne. Ou bien, il invite les hommes à Allah. Il fait la khutbah. Il est khatib dans une mosquée. Il fait la khutbah, puis il lui arrive des malheurs. Il abandonne la khutbah. Ou bien, il est imam d'une mosquée. Il lui arrive des problèmes parce qu'il est imam dans une mosquée. Il abandonne l'imam, la position d'imam. Ou bien, il ordonne le bien, il interdit le mal. Et à cause de ça, il a des ennuis. Parce qu'il a ordonné le bien, il a interdit le mal. Et il abandonne. Il arrête d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Il dit le cheikh, celui-là, il n'a pas été endurant. Il n'a pas fait preuve de patience par rapport à ce qu'il a atteint comme ennui et difficulté. Hein? Donc, le cheikh il dit, si tu étais dans l'erreur, alors reviens à la vérité et accepte la vérité. Mais si tu étais sur la vérité et que tu n'as pas fait d'erreur, alors tu dois faire preuve de patience et d'endurance et considérer que ça c'est une épreuve qui te vient d'Allah et tu dois l'accepter pour Allah. Et tu dois ressentir que ça c'est quelque chose qui te touche, qui t'atteint dans le sentier d'Allah. Que c'est un malheur qui t'atteint dans le chemin d'Allah et que tu vas être récompensé pour ces difficultés-là. Comme c'est arrivé au prophète, alayhimu salatu wassalam, qui ont eu plein de difficultés, comment ils ont réagi, comment ils ont été patients, comment ils ont lutté dans le chemin d'Allah jusqu'à ce que Allah leur donne la victoire. Hein? يعني حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يعني الله سبحانه وتعالى dit à propos des croyants avant, مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Il parle, Allah subhanahu wa ta'ala, des prophètes qui sont venus avant nous, et des épreuves qu'ils ont eues, des croyants qui étaient avec les prophètes. Il dit, Mastatrumul Basta, ils ont été touchés par toutes sortes de difficultés et de malheurs, et ils ont été secoués jusqu'à ce que les prophètes et ceux qui étaient avec eux parmi les croyants dirent, quand est-ce que viendra la victoire d'Allah? Allah subhanahu wa ta'ala dit, Ala inna nasrallahi qarib. Certes, la victoire d'Allah, elle est proche. Donc, ça veut dire que lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des malheurs qui te viennent à cause de ta da'wah, à cause que tu appelles les gens à la foi à l'islam et à la sunna et à la voie des salaf al-salih, et bien c'est là que la victoire d'Allah, elle est proche. Donc il faut se réjouir, inshallah, quand on a des difficultés. Bien sûr, ça peut leur toucher, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué que les hommes, ils ont des épreuves selon le niveau de leur connaissance, selon le niveau de leur foi. Et les plus grands dans les épreuves, c'est les prophètes et les messagers. Et c'est pour ça que vous voyez, quand vous voyez maintenant qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport à l'islam et aux musulmans, et en particulier aux gens qui appellent à la voie des salafs, et vous voyez qu'on leur rend la religion difficile et qu'ils ont beaucoup d'épreuves et de difficultés, dites-vous que ça c'est un bon signe, inshallah, que Allah nous met à l'épreuve et que la victoire elle est proche. Inna ma'al usri yusra. Hein? Après la difficulté vient la facilité. Hein? Donc ensuite le cheikh il dit wa qala al-imam al-Shafi'i, une quelle heure maintenant? Ils disent donc c'est le temps de Adhan. Donc le cheikh il termine, il dit l'explication de la parole de l'imam al-Shafi'i. Dit qala al-Shafi'i rahimahullah law ma anzala Allah hujjatan ala khalqih illa hadhihi as-surah illa hadhihi as-surah lakafathum. C'est-à-dire si l'imam al-Shafi'i rahimahullah il a dit si Allah n'avait pas révélé, il n'avait pas fait descendre sur sa création excepté cette sourate, eh ben ce serait suffisant pour eux, ça aurait été suffisant pour eux. لو ما انزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. Ça aurait été suffisant pour eux comme preuve. Et donc ça c'est la parole de l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, Cheikh al-Fawzan, il dit قوله الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي نسبه إلى جده الرابع اسمه شافع يعني وهو من قريش من بني المطلب توفي سنة 204 هجريا وهو أحد الأئمة الأربعة وهو وقال هذه المقالة لأن الله بين في هذه الصورة أسباب الشقاوة أسباب السعادة أسباب الشقاوة وأسباب السعادة. Donc l'imam al-Shafi'i, son nom c'est Mohamed ibn Idris. Mohamed ibn Idris al-Shafi'i, rahimahullah. Et on l'appelle al-Shafi'i parce que son quatrième grand-père était, son nom s'appelait Shafi'i. C'est pour ça qu'on l'appelle al-Shafi'i. Et il est descendant de la tribu de Quraysh. Il est de Bani al-Muttalib. Ok, de la famille de al-Muttalib. Il est décédé en l'an 204 Hijri. Écrivez, hein, parce que je vais vous poser la question sur l'imam al-Shafi'i. C'est quoi son nom? À quelle année il est mort? Pourquoi on l'appelle Shafi'i? Hein? Ça, je vais vous poser les questions. Hein? Et de quelle tribu il est descendant? Hein? De quelle tribu? De Quraysh, qui vient de Bani al-Muttalib. Son nom, c'est Mohammed ibn Idris al-Shafi'i. Hein? Son quatrième grand-père, c'est Shafi'i. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il est de Quraysh. Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, il est de Quraysh et il est de Bani al-Muttalib. Il est mort en 204 Hijri. Et c'est un des quatre imams parmi les imams des madahib. Et il a expliqué que cette sourate, pourquoi elle serait suffisante? C'est parce qu'elle explique les causes du bonheur et du malheur des serviteurs. Ok, donc on s'arrête ici pour aujourd'hui. Sachez que le cours à l'avenir va être à 4h30, c'est-à-dire tout de suite après la prière de Asr. Oui. Il est à 4h30, mais même ça c'est tard maintenant, 4h30. Mais en tout cas, pour dire qu'on va commencer la prière, le dars tout de suite après la prière, parce que sinon on n'aura pas le temps, on n'aura même pas une heure. Si on commence à 5h, on n'aura même pas une heure. Donc il faut commencer plus tôt, Inch'Allah, 4h30. D'accord? Et donc aujourd'hui on a terminé, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.